Chapitre 2e. En descendant du premier train de Paris qui l'avait amené à Chantilly, Jean Marol se dirigea directement vers le terrain d'entraînement. Barclay lui avait demandé ce matin-là de faire prendre un canter à Villard, dont la préparation en vue du grand steeple était complètement terminée. Le jeune homme suivait une allée cavalière. Il avait plu dans la nuit. De grands nuages passaient dans le ciel, emportés par le vent, et découvraient parfois un cône azur. De temps en temps, un rayon de soleil faisait étinceler soudain, comme des diamants liquides, les gouttes d'eau qui tremblaient au bord des feuilles. Un parfum de mousse fraîche montait des jeunes taillis. La forêt dégageait, dans cette matinée pluvieuse, un charme subtil et pénétrant. Le jockey du marquis de Vernières était un beau jeune homme de 25 à 26 ans, très brun, de taille moyenne, mais bien prise, dont le visage rasé avait les contours délicats d'une médaille antique. Son nom droit et mince, aux ailes mobiles, son menton fortement accusé, ses pommettes légèrement saillantes et le pli volontaire de sa bouche exprimaient une énergie peu commune. Sa peau avait ce ton mat et chaud qui semble l'apanage exclusif des races méridionales. Cette physionomie régulière, dont l'expression sérieuse paraissait un peu triste, était cependant éclairée par des yeux admirables, couleur noisette, dont l'éclat velouté se fondait en une exquise expression de douceur. Il était mince, sans être maigre. On devinait chez cet homme, dont la sveltesse était soigneusement entretenue au moyen d'exercices constants, une souplesse parfaite et une détente irrésistible. Très élégant, de cette élégance native de l'écuyer français, Marol portait un costume de cheval d'un gris incertain, fort simple, mais dont la coupe impeccable soulignait les proportions de son corps d'athlète. Un feutre léger, un peu incliné sur l'oreille, une longue et solide cravache de manège, des molletières de cuir jaune bien ajustées, témoignaient d'une certaine liberté envers ce chic exclusivement britannique dont les sportsmen sont les adeptes les plus intransigeants. Le jeune homme longeait le fourré. Bien que sa tournure d'esprit le rendît particulièrement accessible au charme de la nature, son cœur débordait d'un bonheur trop intense pour laisser place à d'autres préoccupations. Dans quelques jours, en effet, après le grand steeple, dont 48 heures à peine le séparaient, son mariage avec Suzanne Barclay devait être célébré. Aussi l'image de sa fiancée, qu'il adorait de toutes les forces de son âme ardente, passant et repassant dans sa rêverie, amenait-elle par instant, sur ses lèvres, un fugitif et doux sourire. Parfois aussi il songeait aux épreuves, aux difficultés qu'il avait dû surmonter, pour se créer une situation prépondérante dans ce milieu hostile, où sa qualité de français, sa droiture, son extraordinaire habileté avaient éveillé les rancunes et la jalousie de ses collègues. Et par un enchaînement naturel, sa pensée s'arrêtait sur son protecteur, M. de Vernières. Il se voyait tout enfant dans la cour du château, cramponné sur le dos d'un poney que son père tenait par la longe, tandis que le marquis, une chambrière à la main, faisait trotter l'animal en criant « Les coups de corps, morbleu, les coups de corps !» Puis, quand la leçon était finie, le gentilhomme ne manquait jamais de poser la main sur la tête du bambin en disant au père ravi « Vous savez, Marol, ce sera un fier cavalier. » Et Jean, qui avait pour son protecteur une admiration presque religieuse, se rappelait aussi ces carrousels de Saumur où M. de Vernières, en tête du cadre noir, le tricorne en bataille, dirigeait la reprise des premiers écuyers du monde. Puis un malheur horrible, inouï, s'était abattu sur lui. Un matin, des paysans rapportaient son père mourant, la poitrine ouverte par une faucheuse mécanique. Sa mère, folle de douleur, était emportée en quelques heures par une fièvre cérébrale. Son souvenir évoquait encore une autre vision douloureuse, de cercueil sur le même corbillard, et Madame de Vernières, une délicieuse marquise aux cheveux de neige, essuyant avec son mouchoir de dentelle les yeux d'un gamin vêtu de noir qui pleurait devant une tombe. Il se rappelait aussi ses études au lycée, ses sorties au château, les conseils du marquis, qui avait voué au fils de son régisseur une affection paternelle. Puis le régiment, le 5e hussard, où les galons du maréchal des logis furent bientôt la récompense de son intelligence, de sa bonne conduite, de son éducation parfaite et de sa science extraordinaire du cheval. Car l'ancien écuyer en chef de Saumur n'avait pas fait seulement de son élève un cavalier accompli, mais encore un technicien auquel les questions les plus ardues de l'épistrique étaient familières. Enfin, c'était l'entrée chez Barclay, par la volonté du marquis, les succès, les arrivées triomphales, les combinaisons au style déjoué, la gloire et Suzanne. Aussi Jean confondait-il, dans un même débordement de reconnaissance, sa fiancée, son protecteur et sa seconde mère, Madame de Vernières, dont le délicat visage d'aïeul s'animait au récit des exploits équestres de son petit Jean. Tout à coup un cri, une clameur éperdue de femme l'arracha de sa rêverie. À cet endroit, l'allée cavalière était coupée à angle droit par un chemin forestier qui s'enfonçait au plus épais du bois. Marolles s'arrêta net, cherchant à se rendre compte d'où venaient les appels. Un second cri, plus strident encore, traversa le taillis, et Jean sentit soudain une sueur froide perler à la racine de ses cheveux. Il avait reconnu la voix de Suzanne. D'un élan, il gagna le croisement des routes. Les arbres qui bordaient le sentier joignaient leurs branches et interceptaient à peu près la lumière du jour. De chaque côté, un massif impénétrable d'arbustes, d'épines et de ronces ne laissait qu'un étroit passage où régnait une demi-obscurité. Dans la pénombre, un groupe s'agitait violemment. Une femme, en toilette claire, se débattait dans les bras d'un homme qui cherchait à l'entraîner dans le fourré. Et cette femme, dont les mains crispées repoussaient avec une énergie presque virile la tête de son agresseur tendue vers son visage, c'était sa fiancée. D'un bond, Maroulle fut sur le ravisseur. Il lui arracha la jeune fille, qui fit en chancelant quelques pas en arrière, et s'appuya au tronc d'un arbre, à demi évanoui. L'attaque avait été si brusque que l'homme roula sur le sol, mais c'est à peine s'il toucha terre. Se redressant soudain, avec une prodigieuse agilité, il revint sur Jean, qui l'attendait de pied ferme. Le pupille du marquis reconnut alors Jim Harkins, le premier jockey de l'entraîneur Dixon, un mauvais drôle, qui depuis longtemps poursuivait Suzanne de ses assiduités importunes. L'Anglais nourrissait à l'égard de son camarade une haine implacable mêlée de jalousie. Il l'exécrait à cause de ses succès constants, son aversion pour les combinaisons louches et surtout de son prochain mariage avec la fille de Barclay. Jim vivait donc dans une perpétuelle exaspération. Aussi, rencontrant la jeune fille, qui en faisant sa promenade matinale venait toute seule à travers la forêt au devant de son fiancé, avait-il perdu la tête et tenté de rompre, par un scandale, l'union projetée. L'arrivée providentielle de Jean déjouait les calculs du misérable. Harkins était hors de lui. La colère bouleversait ses traits anguleux. Avec ses membres démesurés, mais puissamment musclés, son visage émacié, rendu hideux par la fureur, il ressemblait à ces gnomes redoutables qui peuplent les vieilles légendes. Confiant dans sa science de la boxe anglaise, le jockey s'élança sur Marolles. Celui-ci, exaspéré, les yeux étincelants, était tombé en garde. Les deux hommes s'observèrent pendant quelques secondes. Puis Jim se mit à tourner autour de son adversaire et lui porta plusieurs coups terribles que le fiancé de Suzanne esquiva avec légèreté. À son tour, il riposta, mais on sentait qu'il cherchait uniquement à fatiguer son adversaire, en attendant l'occasion de lui fournir une attaque décisive. Au bout de quelques instants, soit que la fureur paralysa ses moyens, soit que sa chute l'eût étourdi, Harkins donna des signes de lassitude. Sa poitrine se soulevait convulsivement, sa bouche entr'ouverte laissait échapper un souffle saccadé. Marolles, qui depuis le début du combat guettait ses défaillances tout en évitant les attaques de son ennemi, parvint à placer plusieurs coups au corps et la respiration de Jim devint plus pénible. Enfin, au moment où celui-ci rassemblait ses forces défaillantes pour vaincre sa résistance, le jeune homme rompit d'un pas, fit une feinte du poing gauche à la tête et, comme son adversaire levait instinctivement le bras pour parer, d'une détente irrésistible, il lui décocha dans les côtes un terrible coup de pied. L'Anglais, soulevé de terre, alla s'affaler dans les ronces, évanoui. Pendant la lutte, Suzanne, pétrifiée d'horreur, cramponnée au tronc d'un arbre, était restée immobile et muette. Quand elle vit son fiancé aux prises avec son agresseur, elle voulut secouer sa torpeur et s'élancer entre eux, mais ses jambes se dérobèrent sous elle. Les yeux hagards, les mains crispées, elle dut assister au combat. Dès que l'Anglais fut terrassé, Jean courut à elle. À mesure qu'il approchait, ses muscles se détendirent et se laissant tomber dans les bras du jeune homme, elle fondit en larmes. Mais c'était une nature énergique, chez qui les faiblesses duraient peu. La réaction fut vite passée. Bientôt les yeux humides de la jolie Suzanne sourirent à Marolles, qui la tenait serrée contre sa poitrine. Il y avait, dans ce regard éperdu, tant d'amour, de confiance, de gratitude, que les lèvres de son fiancé se posèrent sur son front pâli. Alors, la jeune fille d'un joli geste spontané jeta ses deux bras autour du cou de Jean et toute rose lui rendit longuement son baiser. Cependant, Jim Hawkins reprenait ses sens. Il se dressa en chancelant, considéra un moment avec un sombre désespoir les fiancés qui, tout à leur amour, ne s'occupaient plus de lui, et titubant, étourdi, ivre de rage, disparut au détour du chemin. Suzanne commençait à se remettre. Ses traits, un moment convulsés par la frayeur, reprenaient leur calme habituel. Elle était fraîche et jolie, avec ce charme particulier des filles d'Albion. Svelte, bien proportionnée dans sa petite taille, son corps avait cette harmonie de contour que donne aux femmes l'exercice modéré des sports. Avec ses grands yeux bleus, rieurs et limpides, son visage pur, ses joues dont l'incarnat velouté aurait éveillé la jalousie des roses, ses boucles blondes, d'un blond épis mûr, elle incarnait, dans ce cadre austère de verdure sombre, la grâce fière et tendre d'une déesse des forêts. Les jeunes gens suivaient un sentier qui les ramenait vers la ville. Ils causaient avec animation, égrenant le chapelet séculaire des litanies d'amour, dont la musique éternellement jeune berce les premiers rêves. Parfois ils se taisaient, comme si les paroles leur manquaient soudain pour traduire le tumulte de leur âme. Leurs yeux, alors, exprimaient tout ce que leurs lèvres n'osaient se dire. Et Suzanne, se rappelant sa mère morte, toute jeune, son enfant sevré de caresses, son père absorbé par ses chevaux, indifférent et froid, s'appuyait plus fort sur le bras de Marolle, comme pour chercher en lui le guide éclairé, tendre et sûr, qui devait aplanir devant elle les difficultés de la vie.